Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il y a eu dans l'histoire du cinéma des films qui ont été des jalons, qui ont marqué des tournants et sont devenus des références pour plusieurs générations de cinéastes. À coup sûr, Nanook l'Esquimau fait partie de ces films rares et son réalisateur, Robert Flaherty, de ceux qui en ont influencé beaucoup d'autres, comme en témoignaient Jean Renoir et Eisenstein. Sorti en 1922, immense succès public dans le monde entier, Nanook est aujourd'hui encore une source inépuisable de réflexion sur la frontière parfois floue entre documentaire et fiction et sur ce que peut être l'éloignement du regard d'un cinéaste filmant loin de son territoire culturel. Nanook, un titre resté peut-être plus célèbre que Flaherty lui-même, venu tardivement au cinéma après avoir été prospecteur et géographe pour une compagnie minière. En 1985, l'atelier de création radiophonique proposait aux auditeurs de France Culture de partir à la recherche de Robert Flaherty avec un grand documentaire en deux parties du réalisateur et essayiste franco-québécois Jean-Daniel Lafont. Un voyage dans la vie et l'œuvre de Robert Flaherty, riche de nombreux témoignages et archives, dont le premier volet que nous allons entendre, passant par le pays inuit, visiter le monument cinématographique que fut et est encore Nanook l'Esquimau. Ce qui est primordial, c'est le côté matériel du cinéma, le faisceau lumineux sur un écran. Et ce qui s'inscrit dans ce bombardement lumineux d'un écran, c'est toujours de la fiction. Johan van der Keuken, Entretien, cahier du cinéma. ACR. L'atelier de création radiophonique propose Robert Flaherty, prospecteur et cinéaste. Ou le rêve d'un prince. Journal d'une poursuite, un film radiophonique de Jean-Daniel Lafont. Première partie. À Pierre Perrault, cinéaste, poète et québécois. Donne-moi un point de vue, un point de départ, une façon de m'affronter à Flaherty. J'ai l'impression que tu te cognes dans un miroir. Pierre Perrault obstinément refusait de lui ressembler. Ce refus me mit sur la piste de Robert Flaherty. De ce dernier, je savais peu de choses, sinon que j'avais vu tous ses films, de Nanook à Louisiana Story. Il était à l'origine d'une manière unique de tourner en décor naturel, sans comédien, dès 1920 dans le Grand Nord. Quelque part, il incarnait le commencement de ce qu'à tort ou à raison, on allait nommer bien plus tard le cinéma direct. Un cinéma qui voulait filmer la vie telle qu'elle est. Louis Marcorel me disait de lui... C'est-à-dire, il représentait, un îlot de pureté préservé. Et il était un peu la bonne conscience, c'est pas tout à fait pareil. De même que Buñuel, on l'a accueilli, je crois, vers 1973-1974, chez Georges Cukor. Il y avait tout le monde, John Ford, Hitchcock, Waller. Il représentait l'intégrité. Tu sais, Buñuel était un personnage exceptionnel. Je crois que Flaherty a représenté aussi une certaine intégrité par un cinéma qui est possédé par l'argent, par les combines, enfin, par les, etc. Ça participait un peu du mythe. De Flaherty, je savais peu de choses. Né en février 1884, petit-fils et fils de prospecteur, il avait appris à l'école de la forêt plus qu'à l'école des mines du Michigan. Il me restait en mémoire une émission que l'ORTF diffusa lors de sa mort en 1951. Eh bien, Flaherty, c'était une force de la nature. C'était un homme assez corpulent, au teint extrêmement coloré, aux cheveux gris absolument fous, au regard bleu extrêmement clair, n'est-ce pas ? Jean Renoir y évoquait sa rencontre avec Flaherty à New York, en 1940. Remarquez qu'il n'a pas commencé comme metteur en scène, comme auteur de films. Flaherty a commencé sa vie comme pionnier, comme explorateur. Il y a d'ailleurs une île dans le Grand Nord qui porte son nom, l'île Flaherty, une île qu'il a découverte. Et comment est-il devenu auteur de films ? Eh bien, il avait très envie de fixer sur la pellicule les êtres admirables qu'il voyait, qu'il aimait, n'est-ce pas ? Et ça a commencé par les Esquimaux. Il avait envie de montrer les Esquimaux au reste du monde. Il les aimait. Il voulait que le reste du monde les aime aussi. J'avais aussi entendu parler de la grande maison de Brattleboro, dans le Vermont, aux États-Unis, au pied de laquelle il est enterré et qu'habite Monica, sa fille. Louis Marcorel m'avait prêté la cassette d'un entretien qu'il fit avec elle en 1979. Un enregistrement de médiocre qualité que je cherchais à déchiffrer sur mon Walkman et que j'allais écouter attentivement plusieurs fois au cours de cette poursuite. Février 1983. Nous sommes au nord-est du Québec, aux confins du Labrador, sur la route traditionnelle qu'empruntaient les Indiens montagnais dans leur longue chasse, de cette île à Fort Chiney. Nous sommes à Shefferville. Shefferville, ville symbole, plaque tournante des prospecteurs, des marchands, des missionnaires, puis des cinéastes et des anthropologues. Ville fantôme, abandonnée en 1982 par la multinationale américaine Ivanhoe, qui laisse derrière elle les plus grands cratères du monde. Les machines se sont tues. Ça et là, une source perce au flanc de la terre gelée ou de la glace. Schefferville, 100 ans avant, n'existait pas. Aujourd'hui, Schefferville n'existe plus. En haut des monstrueux terrils, le silence. Ce silence si particulier que Claude Beaugrand, mon complice capteur de son, cherche à voler un instant et découvre de là la fragilité de la mémoire magnétique. The main idea of my films and my life has been, if I may say so, an exploration. An exploration. I began life in America, North America, as an explorer. L'idée maîtresse qui préside à la réalisation de mes films est la recherche de l'exploration. Exploration en Amérique du Nord au temps des pionniers, exploration de terres inconnues aujourd'hui. And then the opportunity came to go up there and make a film of these people. De cette île à Schefferville, le chemin de fer que la Quebec North Shore and Labrador Railway a construit entre 1948 et 1952 pour exploiter les énormes gisements de fer du Labrador et du Nouveau-Québec. La voie de chemin de fer occupe la route traditionnelle des chasseurs indiens montagniers, qui, à travers lacs et rivières, reliait le golfe du Saint-Laurent à l'océan Arctique. Parcourant aujourd'hui en train ce territoire grand comme la France, l'Indien refait en réalité l'histoire de sa dépossession. Philippe Mackenzie, La Chambre. that's ending. A snapshot, a day one man. I want to reach you. I thought it all. I wish good. A day one man. Toi, si moi, à bout de sende, un des pays de détente, de sende, de schnauchien, à tes one-man, à Wawichien. Toi t'es dans des wesh good. A day one man. Na wa wit mou ya. Toi si mou. A pout se de. Au-delà de Schefferville, Labrador City, puis Fort Chaimo, à plus de 500 km. C'est le début de la péninsule de Langara, au croisement des rêves de Jack London et de Robert Flaherty. C'est sur ce territoire immense, propriété de la compagnie de la baie d'Hudson, que Flaherty entama en 1910 son premier périple de prospecteur. Il est alors financé par Sir William Mackenzie, homme d'affaires qui rêvait d'être au Canada ce que Cecil Rhodes fut à l'Afrique. En Ngava, Flaherty allait découvrir plusieurs gisements de fer et d'autres minerais. Il allait explorer la terre de Baffin, les îles Belcher, et ils oubliaient qu'il redécouvrit 250 ans après Lux Fox, qui en 1631 cherchait là le passage du Nord-Ouest. Aujourd'hui, une des îles Belcher se nomme Île Flaherty. La difficulté d'acheminement du minerai ne donna pas de suite immédiate à l'aventure du prospecteur Flaherty, et fit tomber les espoirs de son patron, Sir Mackenzie. Mais Flaherty venait de trouver le lieu de ses rêves. Il avait parcouru la baie d'Hudson. Il était allé de Great Whale River, poste de traite de la compagnie, jusqu'à Fort Chimney, dès 1912. Il avait vécu le quotidien des Esquimaux, le froid, la glace, les longs voyages en traîneau à chiens, la migration permanente de ces peuples et leur combat contre la nature. You ask me how I came to use movie at all. Well, I first used it on one of my expeditions in the north, the purpose of which was exploration, mining exploration. It was suggested by my principal that I take with me a motion picture camera. I was eager to do this, but the only thought I had in connection with the use of the motion picture camera was to compile visual notes of the exploration, that is, notes about the people who happened to be Eskimos, their life and habits as I saw them, it also seems the country and of the kind of territory we were exploring. À Londres, j'avais demandé à Noël Birch, cinéaste et critique, de lire une des dernières entrevues que Flaherty donna en 1950. Tu peux lire un peu plus lentement ou ça te semble... Ouais, ça va. Ok. Je préfère pas aller trop lentement. Non, je préfère que ce soit comme ça, effectivement. Mm-hmm. J'aimais bien ton... On refait une prise. Noël Birch deviendra donc Flaherty. Pour les besoins de notre fiction... mais restera Noël Birch pour les nécessités de sa critique. Flaherty m'intéresse comme un moment d'idéologie. Oui, comme un moment d'idéologie, quoi. Enfin, moi, pour moi, je ne peux pas... Il n'y a rien de ce que fait ni de ce que dit Flaherty que je peux prendre comme... disons, comme un savoir, comme quelque chose qui m'apprend, quelque chose, ça ne m'apprend, enfin, qui m'a, non, comment dire, je ne peux pas prendre ça pour moi, n'est-ce pas, rien, ça m'est complètement étranger, aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi, parce que je dois dire que ça a toujours été, enfin, bon, quand j'avais 15 ans, je crois que l'homme d'Aaron, je trouvais ça génial, mais enfin, depuis que je fais du cinéma, depuis que je pense au cinéma, depuis que je, ça me débecque profondément, et surtout, je pense aux trois films... aux trois principaux films, à savoir Nanook, L'Homme d'Aaron et L'Histoire de Louisiane. Tandis qu'à Paris, Geneviève Jacquinot prit la voix de Frances Flaherty, que Robert épousa en 1914 et qui devait l'accompagner jusqu'au bout de son aventure cinématographique. Ses années d'exploration dans le Grand Nord, avec les Esquimaux, ont été sa véritable école de cinéma. Des Esquimaux, il a appris à voir comme il n'avait jamais vu auparavant. Ce que le Nord lui a donné, ce fut son immensité, sa vaste simplicité, son vide, sa disponibilité, sa clarté, sa pureté et sa puissance originelle, le vent et la neige sculptant sans fin de nouveaux univers de hasard et de beauté, d'une beauté mystérieuse et mystique. J'ai demandé un jour à Bob pourquoi il voulait toujours retourner et retourner encore vers ce pays et sa rudesse. Il réfléchit un long moment avant de répondre. Je m'attendais à ce qu'il me dise quelque chose sur sa beauté. Mais il me dit simplement « J'y vais pour en revenir ». Thank you. Le territoire habité par les Inuits s'étend de l'Alaska au Groenland en passant par le nord du Canada et le nord du Québec. Sur la carte qui paraît ici, on voit les endroits qui ont été habités par les Inuits au Nouveau-Québec. Ici, jusqu'ici. Dans tout ce territoire, il n'y a pas d'arbres. Toute cette partie sans arbres est le pays des Inuits depuis toujours. Ainsi ça, toute cette terre, tout ce territoire, nos ancêtres qui ont vécu, disaient que cette terre s'appelait Amamaktisivik. Il me restait à atteindre le grand nord de Flaherty, à retrouver les Inuits qui furent ces Esquimaux. Maurice Bulbulian, cinéaste à l'Office national du film du Canada, m'en donna l'occasion. Piquer des deux. Hein. Il y en a-tu beaucoup, il n'y a pas d'en avoir beaucoup. Vraiment. Ça fait partie, Maurice Bulbulian, première. Ouais. Maurice, moi j'aimerais tout simplement d'abord que tu me dises où ça se passe, ça. Bon, ça, ce film-là se passe dans la partie nord-ouest du Québec. C'est-à-dire le Québec il y a deux versants. Il y a le côté du Labrador qui donne sur l'Atlantique. Et le côté ouest donne sur la baie du Thon. Alors, les trois villages où le film a été tourné, là, ce sont trois villages qui sont situés à la toute pointe, là, à peu près, là, du Québec, mais du côté de la baie du Thon. La mer du Thon, parce que c'est assez grand pour être une mer, en fait. Flaherty a tourné Nanook un peu plus au sud. Au sud, c'est-à-dire dans la région d'Inukjuak. Qui serait à peu près... Bon, Powonitouk est exactement 1000 milles de Montréal, en ligne droite. Okay? Inukjuak se trouverait peut-être à 700, 600 quelque chose, 700... C'est un peu plus bas. Mais c'est le même territoire, parce que, bon, dans le temps, là, les nomades, quand les Esquimaux étaient nomades, tout ce territoire-là, c'était le même dans un sens. Au retour de sa troisième expédition de la baie d'Hudson, son patron... Sir William Mackenzie lui dit « Pourquoi est-ce que vous n'emportez pas avec vous une de ces nouvelles choses à la mode qu'on appelle une caméra de cinéma ?»« Pourquoi pas, en effet. Il pouvait faire un film sur ces gens remarquables que sont les Esquimaux. S'il réussissait à les montrer sur l'écran, tels qu'ils sont, peut-être que d'autres ressentiraient la même chose que lui et les verraient dans la beauté intérieure qui est la leur. » Ma femme et moi, nous avons longuement réfléchi. Si je retournais dans le Grand Nord, je pourrais faire un film qui, à ce moment-là, serait satisfaisant. Pourquoi ne pas prendre un Esquimau typique et sa famille et faire une biographie de leurs vies au cours d'un an? Qu'y a-t-il de plus intéressant que la biographie d'un individu. Ici, dans le Grand Nord, l'homme a moins de ressources que n'importe où ailleurs dans le monde. Sa vie est un combat constant contre le manque de nourriture. Rien ne pousse. Il lutte contre le plus terrible des tyrans, le rude climat du Nord. It took several years before I could persuade anyone to finance such a film. For none of the picture people would listen to our idea. Personne dans le monde du cinéma ne voulait entendre parler de ce projet. C'est drôle comme les anthropologues ont fait des distinctions que les Esquimaux ne font pas dans les populations inuites. Parce que les anthropologues disent qu'il y a deux groupes bien distincts au Québec, ceux de la côte est, ceux de la côte ouest. Géographiquement, ça a du bon sens, mais... En réalité, eux n'en font pas de distinction comme ça. Pour l'anthropologue que vous êtes et pour le cinéaste que vous êtes, Flaherty, ça représente quoi? Un modèle. Un modèle parce que, en l'espace d'une heure, Flaherty nous montre comment on peut être esquimau. Qu'est-ce que c'est qu'un esquimau? Quels sont... les attitudes, les gestes typiques d'un esquimau. En une heure, Flaherty a réussi à dresser une image globale, à peindre une image globale de Nanook et de la société esquimaute, ce qui est extrêmement difficile à faire. Finalement, Révillon Frère, la grande compagnie de fourrure de Paris, accepta de le financer. I could go up to one of their posts on the eastern coast of Hudson Bay, take a camera with me, live there for a year, and make the film. Took 2 months by canoe and schooner to get to my destination. Et par voilier pour rejoindre ma destination. J'avais avec moi deux caméras à clé. La caméra à clé était la meilleure pour filmer dans un froid extrême, car elle demandait un minimum de graisse et d'huile pour sa lubrification. Alors il retourna dans la baie d'Hudson, rencontra Nanook, ce merveilleux chasseur de la tribu esquimaux d'Itivimuit, et là, sur la côte dénudée, battu par les vents froids, à mi-chemin du pôle Nord, dans l'unique pièce de sa cabane emmurée dans les neiges d'hiver jusqu'au toit, il commença ses 30 années de recherche sur le cinéma. Et quand vous, aujourd'hui, professeur Balixi, vous passez le film, vous le dites chaque année quasiment à vos étudiants, qu'est-ce que vous leur dites? Mais moi, je leur dis, voici, c'est le premier grand film ethnographique qui a été réalisé en 1926 par notre père à tous. Flaherty avait une connaissance très, très intime de la chose esquimaude et de l'Arctique certainement. Il s'est promené pendant une dizaine d'années dans le nord canadien. Regardez, je leur dis, regardez. Les étudiants regardent. Un premier moment, ils sont étonnés. Dans un deuxième moment, ils sont ravis. Et ensuite, ils se mettent à rire. Ah bon? Devant le kayak chargé, durant la chasse aux phoques, ils rient, ils communiquent par le rire avec l'écran. Ils admirent le courage de Nanook. Ils aiment son attitude protectrice envers sa famille. Ils adorent son étonnement devant le gramophone. Et une certaine naïveté primordiale, première chez Nanook, qui est toujours admirable. Et cette image composite de Nanook, eh bien, nos étudiants actuellement, ils sont prêts littéralement à l'épouser. On s'est entendu sur une chose, c'est qu'on pouvait construire l'histoire avec ce qui se passait aujourd'hui. 1981, Maurice Bulbulian tourne, debout sur leur terre, à peu près au même endroit que 60 ans auparavant, Robert Flaherty tournait Nanook l'Esquimau. C'est parce que j'étais là au mois de mai, puis on avait fait une expédition en bateau, là, vers les îles pour aller chasser le morse. Donc j'ai dit, écoutez, si on va là avec une caméra, hein, puis on fait la chasse au morse aujourd'hui, hein, elle va être aussi bonne que celle qui se faisait il y a 25 générations. Hein. Mais en plus, on va sentir que c'est les gens d'aujourd'hui. Hein. Et puis, quand on va parler avec les gens, on va sentir qu'ils sont d'aujourd'hui. Alors donc, on a juste à déterminer les situations qu'on veut filmer dans notre vie de maintenant. Puis on peut essayer de s'intégrer à ce qui se passe. C'est important de montrer ça parce qu'eux, ils veulent très bien que les gens du Sud sentent que, d'une part, ils ne veulent pas nécessairement prendre tout ce qui vient des Blancs tel quel, hein, mais que, par contre, ils ne veulent pas refuser ce qui vient des Blancs. They were amazed when I first came with all this equipment and they would ask me what I was going to do. When I told them I had come to spend quand je leur racontais que je venais pour faire un film sur eux, in which they moved, they roared with laughter. Ils se mirent à rire. To begin with, some of my Eskimos could not even read a au début, la plupart de mes Esquimaux ne savaient même pas lire une photographie. When I showed them the photograph, as often as not, they would look at it upside down. Ils la regardaient assez souvent, sans dessus dessous. Photograph out of their hands. And lead them to the mirror in my hut, then have them look at themselves and the photograph beside their heads before, suddenly, with a smile that spread from ear to ear, they would understand. Les Inuits dans les villages, ce sont peut-être actuellement les plus grands cinéphiles au monde. À chaque semaine, maintenant, pendant trois soirs, ils reçoivent des films du Sud, et quand les films arrivent, c'est pas compliqué, c'est tout le village qui est là. Il y a peut-être deux, trois chiens là, qui sont dehors, là, mais tout le monde est là. Mais ils voient n'importe quoi, hein. Ils n'ont aucun choix sur la programmation. Une semaine, ça va être Bruce Lee. Par hasard, ça va être High Noon. À ce moment-là, il avait apporté avec lui tout le nécessaire, en plus de la caméra et de la pellicule, pour développer, tirer et projeter. Si bien qu'il pouvait voir au fur et à mesure ce qu'il faisait avec sa caméra, ce qu'il pourrait faire et quelles étaient les possibilités de sa nouvelle machine. Les Esquimaux le secondaient, Nanook et trois autres. Vetaltuk, Tukaluk et Little Tommy. Il faisait tout pour lui. Mais le plus grand problème n'était pas de tirer le film ou de le développer, mais de le laver et de le sécher. For this drying room was a stove that burns soft coal. Not only that, but I found that I ran short of lumber and didn't have enough to complete the drying reel that I set up in the room. So my Eskimos had to scour the seacoast and finally pick up enough driftwood to complete its construction. The washing of the film was the worst. Mais laver le film restait la pire des choses. Mes Esquimaux devaient maintenir un trou découpé dans 6 pieds de glace pendant tout l'hiver et ensuite transporter l'eau dans des tonneaux, sur des traîneaux, tirés par des chiens jusqu'à ma cabane. On enlevait la glace de l'eau et on versait sur le film ce qui était nécessaire pour le laver. Je me souviens que les poils de caribou qui tombaient des habits des Esquimaux me dérangeaient presque autant que la glace. La plupart du temps, ils comprennent absolument rien. C'est des films en anglais. C'est la plupart du temps, ce sont des films en anglais. Et puis, bon, ça, c'est un réseau, c'est un distributeur qui a noyauté là, tout le réseau dans le Grand Nord, parce qu'après, pour Vonitouk, ça s'en va de l'autre côté à Eskimo Point, puis après ça, ça s'en va à Igloolik, etc., etc. Il paye une fortune en passant pour les films. T'sais. Puis, il faut voir les projecteurs, hein. Et c'est quelque chose. Je pense qu'un film, après avoir fait la ronde là, des communautés dans le Grand Nord, là, il est fini pour la vie. C'est peut-être pour ça qu'ils leur demandent beaucoup d'argent. Alors, donc, ils ont une habitude de ça, c'est sûr. Ils sont très friands. Ils ont un sens de l'observation très incroyable. As luck would have it, the first scene we shot for the film was one of a tug-of-war with walrus. La première scène que nous avons filmée fut celle de la capture du morse. Quand j'ai eu développé et tiré ces séquences et que je fus prêt à les projeter, je me suis demandé si les Esquimaux serait capable de les comprendre. Que pourrait bien vouloir dire pour eux ces scènes projetées par petits bouts sur une couverture de la Hudson Bay Company suspendue au mur de ma cabane? When at last I told them I was ready to begin the show, they crammed my little 15 by 20 hut to the point of suffocation. I started up the little electric light plant, turned out the lights in the room, turned on the switch on the projector. A beam of light shot out. Un rayon de lumière surgit. And the show remplit began. La couverture. At first, they kept looking commença. Back at the source of the light and the projector as much as they did at the screen. I was sure the show would flop. J'étais sûr que la projection allait être un échec. When suddenly someone shouted, "Inuk!" Quelqu'un cria, "Inuk!" Mot qui désigne le morse en esquimau. La culture des Esquimaux, pour eux, c'est une chose pour laquelle ils ne font pas de différence passé, présent et futur. C'est ce qu'ils sont, dans le fond. Ils sont globales, tout le temps, devant tout. L'idée, c'était de faire sentir la culture des Esquimaux et de faire sentir que ça existe encore aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'il y a pas de traîneau ou pas d'igloo ou pas de que qu'ils ne sont plus ça. C'est une façon de calculer par grand-père, hein? C'est pas mon grand-père qui m'a raconté ça, c'est le grand-père du grand-père du grand-père de son grand-père. Ça montait à 25 générations en arrière. Peut-être au moment où les Français sont arrivés, là. Mais il restait des bribes, hein, de la tradition orale, des choses qui venaient directement de ce grand-père du 16e. Il y avait le vieux Levi, celui qui est le sculpteur, le vieux sculpteur, qui, il le dit lui-même, il parle une langue que les autres Esquimaux ne comprennent plus, parce que lui, il parle la véritable langue Esquimaux, comme la façon dont il dit. Et c'est parce qu'il est encore très ancré dans la tradition orale. Hein. Mais c'est vraiment le dernier. Hein. Il y a des bribes, là. On dirait que c'est comme... disons, si tu avais un enregistrement, là, d'une pièce musicale, mais tu en oublies des bouts. T'sais? Alors, tu as le début, peut-être. Après ça, tu sautes en quelque part dans le deuxième mouvement. Là, tu en as un autre bout. Quand tu les colles ensemble, ça fait un peu drôle. T'sais? Alors, mais c'est un peu comme ça quand ils racontent des histoires. T'sais? Dans un film ou même dans une œuvre écrite par rapport à une société, n'importe laquelle que ce soit, une société esquimo ou d'une autre, on peut jamais tout dire, on peut jamais atteindre au détail définitif. Vous voyez, un film ou un livre ne sont jamais complets. Et certainement, Nanook n'est pas complet. Il ne dit pas tout sur les Esquimaux. Et telle n'était pas d'ailleurs l'intention de Flaherty, comme nos films ne disent pas tout. Montréal, avril 1983, Hassen Baliksi, anthropologue et cinéaste. En revoyant Nanook, je suis frappé par le fait que ces séquences tombent dans deux catégories affectives, si je peux m'exprimer ainsi. Nanook est entouré de sa famille, sa femme, ses enfants. Envers eux, il garde une attitude protectrice. Il les surveille du regard, il les protège. Il ne faut pas oublier que Nanook vit le long de la côte arctique du Canada, un des endroits peut-être les plus durs pour la survie humaine. La famille de Nanook a besoin de protection. Et Nanook l'assure face aux intempéries. Donc, du bras gauche, Nanook protège sa famille et donne une image très humaine de lui-même et de la relation qu'il a avec ses enfants et sa femme. Une relation très chaude. De notre côté, Nanook est seul, debout, il brave les éléments, il brave les dangers, il chasse pour assurer la survie de sa famille et la sienne, c'est-à-dire qu'il affronte les dangers de manière directe, avec beaucoup de courage. Il tue des animaux pour nourrir les siens. Le courage, la discipline de Nanook face à l'habitat arctique sont très visibles dans le film de Flaherty. Il se trouve donc qu'il y a comme une double personnalité de Nanook, humain dedans, à l'intérieur de sa chaude fourrure de caribou, et violent, dur, courageux, devant, à l'extérieur. J'ai l'impression que c'est cette double image affective de la personnalité de Nanook, cette double posture de Nanook, qui a su taquiner l'inconscient de l'homme occidental. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, Nanook projette l'image du premier protestant qui survit dans un milieu hostile grâce à sa discipline solitaire et à son courage qui sait affronter les dangers, il survit et il survit avec succès. Nanook devient, dans l'imagerie populaire de l'homme occidental, européen et nord-américain, il devient le prototype de l'homme primitif qui a réussi, à travers des vicissitudes, des difficultés innombrables, à survivre, à s'adapter et à créer une culture qui a un certain style, qui a une définition très, très claire. Il y a un plan des chiens là qui sont enroulés. Bon. Qui me rappelle. Oui, celui-là, bon, on l'a vu et on a dit « Ah oui, c'est comme Flaherty ». Il y a eu un vent là, qui s'est mis dans l'air, puis comme la neige était très, très fine, il y avait une petite couche de neige, alors ça donnait une impression de brume. T'sais? Mais c'était pas de la brume, c'est de la neige qui est en suspension. Une demi-heure après, on n'avait plus ça. Le retour aux chiens, c'est un phénomène qui existe là, dans beaucoup d'endroits dans le nord. Il y a deux raisons. Ils ont des skidous. Maintenant, ils sont aperçus que les skidous, ça brise vite. Puis surtout, ça coûte cher. T'sais? Puis en plus, le prix de l'essence qui a grimpé autour de 6 $ le gallon. T'sais? Alors, il y en a qui sont remis aux chiens tranquillement. Et puis, ils sont en train de découvrir certaines des vertus des traîneaux à chiens. Il y a beaucoup de jeunes qui partent à la chasse en skidoo et qui se perdent. T'sais. Ça, c'est arrivé fréquemment, puis il y en a qui sont morts. Ça aussi, ça arrive fréquemment. Avec les chiens, ça n'arrive pas. Parce que le gars, il se couche sur son traîneau, puis les chiens, ils savent que le village, là, il est par là. Le bonhomme chez qui je demeurais est parti, et puis le groupe est revenu, je pense c'est 15 jours plus tard, tous, au moins une dizaine d'individus avaient été brûlés par le froid. L'apparence, c'est comme quelqu'un qui a un coup de soleil, qui est très rouge. Excepté que deux jours après, toute la peau commence à tomber. Alors, la peau devient au vif. C'est brûlé par le froid. Bon, au début, ça fait mal, puis... mais après ça, il vient, tu deviens insensible. Quelque chose, il y a une forme d'anesthésie qui se passe. T'sais. Alors, tu t'en rends pas compte, puis, mais tu deviens encore de plus en plus affecté par le cœur. Mais ça, ça arrive assez fréquemment. On le connaît en hiver, les bons chasseurs, t'as qu'à leur regarder la figure. T'sais. Ceux qui ont des plaques partout, là, puis qui sont brûlés par le froid, sont des bons chasseurs. Parce que ce sont ceux qui sortent pour n'importe quelle température. C'est tout plein de distorsions, n'est-ce pas? Mais on peut passer par-dessus. Dans le sens que, comme je vous dis, ce sont des distorsions qui, dans certains sens, accentuent certaines traits typiques de la culture esquimante. Est-ce qu'on peut parler d'un travestissement? Non. Il y a une adaptation de la vérité pour le public occidental et il y a une... Non, il y a un renforcement des gestes typiques qu'un esquimau moyen peut poser dans sa vie quotidienne. Et le génie de Flaherty a su bien identifier la qualité humaine, comique ou dramatique de ses gestes, de les accentuer, de les rendre encore plus esquimaux qu'elles ne sont, et pour ainsi dire, d'en faire la synthèse cinématographique. Povanituk, février 1981. La scène de chasse que Maurice Bulbulian tourne pourrait être la version sonore d'une séquence que Flaherty tournait en 1921. Nanook, le chasseur, se nomme aujourd'hui Tamoussi. Montréal, avril 1982. Dans le palais de justice, Tamoussi. Tamoussi, on dit que Tamoussi est le fils de Nanook. Il y a une zone là, imprécise là, que j'ai essayé de vérifier après qu'on en a parlé et qui n'est pas possible de vérifier. Ce qui est sûr, c'est ceci, c'est que dans le début du film, il y a des enfants qui sont des enfants de Nanook, qui glissent en traîneau, etc. Tamoussi, c'est un de ceux-là. C'est bizarre, mais ils ont la première bobine du film de Nanook là-bas, à Povanituk. Oui. Et bon, quand j'en ai parlé avec Tamoussi, là, qui est un interprète, il m'a dit « Oui, le petit gars, c'est moi. » Tamoussi, qui dans le film avait peut-être 6 ans, aura 72, 73 aujourd'hui. Oui, c'était le plus jeune à l'époque, donc c'est possiblement le dernier ou un des derniers survivants de l'époque de 1919. Alors, donc, il n'y a personne d'autre, à moins que ce soit des gens de son âge, qui a eu connaissance de ce contact-là. Je voudrais préciser quelle forme de gouvernement vous voulez. Est-ce que ce serait un gouvernement responsable au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada, ou un gouvernement totalement indépendant, comme une 11e province? Québec a tani tunik, Canada a tani tunik, obvalonné, immigrouine tunik, Canada titut, Québec titut, canadilitomik, ishimahamangatsi, apatitut. Aujourd'hui, pour assurer la conservation de ses droits culturels, le mouvement Debout sur leur terre, mouvement traditionnaliste inuit, revendique la propriété ancestrale sur le territoire esquimau. Tamoussi en est le chef de file. Ou tout ce qui est la ligne de 1912. Ce que nous voulons, c'est un gouvernement qui, pour tout le territoire du Nouveau-Québec et toutes les communautés inuites du territoire. Et il n'y a pas seulement que nous qui voulons ça. Les autres communautés qui ont signé la convention veulent aussi un gouvernement avec pouvoir législatif. Nous ne sommes pas les seuls à vouloir ce gouvernement-là. Aujourd'hui, il ne faut pas regarder Nanook comme une œuvre, comme un film ethnographique, quoique il est toujours considéré comme tel, n'est-ce pas? Il faut concevoir Nanook comme un film quasi-dramatique, un film où les trucages de Flaherty ont eu comme effet d'accentuer certaines caractéristiques typiques du comportement esquimau. S'il y a une ou deux personnes cachées dans le kayak, Flaherty en a mis cinq. Il s'agit d'une stratégie d'intensification et d'accélération, si je peux m'exprimer ainsi. La même chose avec la chasse aux phoques. C'est-à-dire que l'inexactitude... L'inexactitude devient une révélation supérieure dans le comique. On pourrait faire un certain rapprochement avec Charlie Chaplin. Je vois maintenant la possibilité d'un tel rapprochement. Après avoir passé une année dans le Nord et presque autant à monter son film à New York, Bob alla le porter chez les distributeurs. Quand je suis rentré à New York, j'ai pris la plus grande partie de l'hiver pour monter le film. Quand il fut prêt à montrer, j'ai commencé à faire le tour des distributeurs de New York, avec l'espoir d'en trouver un assez sympathique pour le prendre en distribution. Naturellement, je l'ai d'abord proposé au plus grand, la Paramount. Actually, I took it to the biggest of distributors first. This was Paramount. The projection room was filled with their staff, and it was blue with smoke before the film was over. When the film ended, they all pulled themselves together and got up in a rather dull way, I thought, and silently left the room. The manager came up to me and very kindly put his arm around my shoulder. Et très gentiment, posa son bras autour de mes épaules et me dit que ce film ne devait pas être montré au public. Il avait essayé autrefois. Il avait tenté d'en distribuer des trucs pareils. Mais cela s'était toujours soldé par un échec. But that he felt he had to tell me, and that was that. So then I went to the next biggest company in order of its importance, and they didn't even answer the phone to me after seeing the film. Enfin un jour, j'ai montré mon film aux frères Pathé. One day I showed it to Pathé Frères, who were then much larger distributors of film than they are today. Like Révillon Frères, Pathé were a French firm. Tout comme Révillon Frères, Pathé était une firme française. Et pensais-je, il doit bien y avoir une chance de faire quelque chose. But it could never run as a feature. It should be broken up into a series of educational shorts. Well, they caught fire. And gradually, ils s'enflammaient. Pas à pas, l'enthousiasme des gens chez Pathé grossit jusqu'à ce que finalement, ils décidèrent de prendre le film et de faire de leur mieux pour le distribuer comme un long-métrage de fiction. But even then, Pathé were not too trusting, and they decided to tin can it. That is, to tie it to Grandma's Boy, Harold Lloyd's first big feature film, which every theater in New York. Ils décidèrent de lui fabriquer un emballage doré. Ils le présentèrent avec Grandma's Boy, le premier grand film d'Harold Lloyd. Roxy, le directeur du Capitol, pourrait donc avoir Grandma's Boy, mais il prendrait aussi Nanook. Desperately, poor Roxy tried to get out of the contract, but no Nanook, no Grandma's Boy. So Nanook came out of the Capitol Theater. Pas de Nanook. Pas de Grandma's Boy. C'est comme cela que Nanook sortit au Capitole à New York. Il est facile de retourner à 1926, 27, 28 pour se rendre compte, n'est-ce pas, de l'extraordinaire succès de Nanook qui a donné naissance à une véritable Nanook-mania, comme 40 ans plus tard, il y aurait une Beatle-mania. J'ai lu récemment dans un article que devant les cinémas américains qui projetaient Nanook, on construisait des igloos, on promenait des traîneaux à chiens, on avait imprimé des t-shirts avec Nanook dessus, il y avait Nanook Ice Cream. Et même j'ai entendu dire qu'un comte italien aurait nommé son fils Nanook. Mai 1983, à Londres, Noël Birch interrompt sa lecture de Robert Flaherty et repense les raisons du succès de Nanook 60 ans après. C'est important, Flaherty, parce qu'il se situe au centre de quelque chose. Ça, c'est vrai. Ou du moins, c'est le site par lequel passe quelque chose d'absolument fondamental, qui est quelque chose que j'appelle l'idéologie documentaire. C'est l'époque où, justement, on peut dire que l'époque primitive prend fin, hein, et que le cinéma, l'institution, Griffith, etc., bon, commence à prendre corps. Pendant cette période-là, il y a en gros, déjà, deux types de films. Et pour prendre le vocabulaire de l'époque, il y a ce qu'on appelle les vues composées. Les vues composées, c'est des films avec des histoires, des films, ça pouvait être des films un truc, des films féeriques, enfin Méliès, mais pas seulement, bien entendu. Et puis d'autre part, il y avait ce qu'ils appelaient les plein air. N'est-ce pas, le plein air. Qu'est-ce que c'est que le plein air? Le plein air, c'est en gros, c'est ce qu'inaugure Lumière avec les fameux films qu'on connaît, l'entrée de la gare, hein. L'entrée d'un train en gare et des films comme ça. Et ce qui m'intéresse, moi, dans tout ça, c'est un phénomène qui, je crois, n'a pas tellement été souligné, c'est que jusqu'à environ 1910 ou 15, en Europe, là, alors que la bourgeoisie, les bourgeoisies, les couches moyennes, la petite bourgeoisie aussi, boudent le cinéma, Le boud, surtout en France. Boud, en tout cas, les vues composées, les féeries à trucs, enfin, tous ces trucs-là, n'est-ce pas? Le cinéma qui trouve, grâce à ses yeux, c'est le plein air. Ce sont les documentaires. C'est le premier cinéma qui parle aux bourgeois. Lorsqu'on lit ce qu'on écrit sur les films à cette époque-là, et surtout les grands journaux bourgeois, tout ça, les seules choses qu'il retient, c'est le cinéma, disons, que nous appellerions documentaire, et qui voit comme étant la véritable vocation du cinéma. D'autre côté, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que c'est que ces films-là? Ces premiers films. Et c'est là, évidemment, qu'on retrouve tout de suite Flaherty, à mon avis, bien que ce qu'il fait a peut-être d'autres colorations. Si on lit le premier texte qu'il a consacré à cette question en 1925, un truc comme ça, on s'aperçoit qu'il pensait, lui, au départ, comme une série de petits films, n'est-ce pas? Évidemment, il connaissait bien ces peuples et tout. Et il dit, n'est-ce pas, lorsqu'il commence à tourner le film, lors de son quatrième voyage, cinquième voyage, je ne sais plus, il dit, ben oui, alors il y avait un problème, c'est que ces gens étaient très, très, très pauvrement vêtus, n'est-ce pas? Ils étaient dans des chiffons épouvantables, j'avais jamais vu un peuple aussi mal, aussi pauvrement habillé, aussi misérablement habillé. Alors, la première chose à faire, c'est de trouver des vêtements convenables, n'est-ce pas? Des peaux de bêtes, n'est-ce pas? Très difficile à trouver parce qu'il y avait un problème de, bon, je sais plus moi, le caribou était rare en cet endroit ou à cette époque, mais en tout cas, extrêmement difficile. Et il raconte pendant les pages, n'est-ce pas, les difficultés qu'il a eues à les habiller proprement, n'est-ce pas? C'est assez extraordinaire. Donc, il les costume. Et deuxièmement, et c'est alors problème qu'on peut trouver normal, mais à mon avis, c'est quand même significatif, n'est-ce pas, c'est qu'il y a le problème de l'igloo. Alors, comment on filme dans un igloo, c'est trop petit, n'est-ce pas? C'est trop petit et c'est trop sombre pour la pellicule d'en disposer. Alors, évidemment, il fait construire un énorme igloo. Alors, il y a des anecdotes charmantes sur l'igloo qui s'effondre et qu'on reconstruit et tout, n'est-ce pas? Et on construit finalement le plus grand igloo qu'il y a jamais eu, parce que c'est pas fait pour ça, normalement. Et puis, c'est assez grand, mais il n'y a pas assez de lumière. Alors, finalement, ils ont obligé d'enlever tout le haut, n'est-ce pas? Alors, en fait, il fait un studio et construit complètement, on peut dire, n'est-ce pas, une sorte de studio dans la nature, n'est-ce pas? Bon, c'est, à la limite, ça prouve rien, mais si on voit le film, moi j'étais très frappé en revoyant le film, n'est-ce pas, à partir de là, n'est-ce pas, effectivement, il possède d'une façon qui fictionnalise complètement ce truc, n'est-ce pas? C'est absolument évident. Je sais que quand je vais à Cannes, je sais que je ne suis pas à ma place. J'ai cru un bout de temps, à l'époque de Pour la suite du monde, que je pouvais faire voir ce que j'avais à faire, mais maintenant j'ai admis que non, j'ai admis que ce que je fais, c'est de l'ordre d'une espèce de recherche. C'est presque des notes que je devrais peut-être utiliser plus tard, des esquisses de quelque chose. Je ne sais pas très bien comment me définir, mais je sais que je ne fais pas partie. Que j'ai rien à voir là, que les gens vont peut-être prêter l'oreille curieusement 5 minutes, mais ils sont pas là pour ça. Donc moi je suis pas à ma place. . 16 mai 1983, départ abrupt du Festival de Cannes avec Pierre Perrault qui vient de présenter La Bête Lumineuse, son dernier film. Accueil mitigé. 20 ans après la sélection de Pour la suite du monde, tout semble à recommencer. À la fiction marchandise, il continue à préférer obstinément le cinéma du vécu. En 1923, Robert Flaherty, au lendemain du succès de Nanook, n'a-t-il pas vendu ses rêves à Hollywood? Saint-Malo, Hôtel Chateaubriand, 17 mai 1983. Entretien avec Pierre Perrault. Moi, au départ, Flaherty, l'idée même du Flaherty, tu le sais, c'est toi que je parlais. Et en fait, t'observer, c'est aussi essayer de reconstituer un personnage qui m'est totalement inconnu et que les livres d'histoire du cinéma nous font assez mal connaître. Simplement qu'il est situé toujours un petit peu entre l'explorateur, le trappeur, le prospecteur. Et par hasard, on le voit cinéaste. Au début, je faisais pas de cinéma à cette époque-là. J'ai vu Nanook, j'ai vu Manavarin, j'ai vu Louisiana Story, j'ai vu Moana. J'ai vu tous ces films-là dans des projections qui avaient été organisées, je pense, par Michel Brault, en tout cas, c'est très loin. Et j'avais trouvé ça très, très beau. J'avais particulièrement aimé Manavarin, mais déjà à cette époque-là, il y a des choses qui m'embarrassaient. C'est que je sentais que l'action n'existait pas en continuité, qu'elle était falsifiée d'une certaine manière. Je me souviens plus très bien, là, je peux pas dire, mais il y avait une histoire de bateau, une histoire de maison, puis le rapport n'existait pas. Tu sais, j'ai eu dès ce moment-là l'impression que des choses qui étaient tournées ailleurs, mises ensemble pour nous raconter une histoire. Puis, le temps a passé, puis j'ai pas commencé à comment tout à coup j'ai fait de la radio, comment tout à coup j'ai fait du cinéma, puis un jour je suis arrivé à Cannes avec Pour la suite du monde. Là, on m'a jeté Flaherty dans les bras. On m'a dit, vous êtes dans la lignée de Flaherty, etc. J'ai pas eu d'objection au départ, parce que c'était un grand nom, et puis ça m'impressionnait, ça avait l'air de vouloir qualifier en quelque sorte mon travail. Puis à la réflexion, je me suis aperçu que pas du tout, pas du tout. J'ai très nettement maintenant à la réflexion le sentiment que Flaherty, c'est un cinéaste hollywoodien. Un metteur en scène, ce à quoi j'ai pas l'objection, je le disqualifie pas pour autant, mais j'aurais pas du tout envie de faire ça, moi. Et que Flaherty utilise des matériaux pour tenir son propos, alors que moi j'essaie de faire le contraire. Je suis pas sûr d'y parvenir, mais j'essaie de faire exactement le contraire, de me mettre au service, de mettre mon équipement, les gens qui travaillent avec moi, au service d'une cause, d'une situation, d'un homme, d'un pays, d'un bateau, de quelque chose qui est en face de moi et qui, autrement, serait incapable de s'exprimer. Mmh. Autrement dit, je n'utilise pas une situation pour raconter une belle histoire qui va avoir du succès, mais j'essaie de faire en sorte que cette histoire-là se raconte d'elle-même, avec les coups de pouce nécessaires, bien sûr, parce que faut bien s'aider, mais sans que je récupère le matériau pour faire un spectacle. D'ailleurs, si on y pense bien, bon, il y a peut-être d'autres raisons, mais si on y pense bien, Flaherty a eu des succès assez grandioses à l'échelle du monde, alors que moi, mes films, ils n'ont aucune espèce d'existence que dans les plis et replis, dans les petits coins des dictionnaires du cinéma. La manière dont tu es perçu rassemble terriblement la manière dont tu perçois Flaherty. Je m'explique, c'est-à-dire, tu dis, bon, de Flaherty, il raconte une histoire, il va chercher un plan ici, un autre plan ici, une séquence ici, une autre séquence ailleurs, et il construit tout ça. Ça, c'est la manière dont tu perçois le film de Flaherty. Mais les spectateurs qui perçoivent tes films, et puis ça, tu le sais depuis longtemps, les perçoivent aussi de la même façon. C'est-à-dire qu'ils disent, il va chercher un bout par là, un autre bout par là, et il nous conte une histoire. Il nous raconte une fable. Genre les réactions à Cannes, à la Bête lumineuse, ressemblent assez à la réaction que tu avais tout à l'heure par rapport à l'homme d'Aran. On a dit, bon, cette histoire de chasse, de la Bête lumineuse, c'est une histoire qui est construite de toutes pièces. C'est lui qui nous raconte une affaire. Il a mis les gens en situation. Et puis, finalement, ils deviennent des comédiens, des acteurs. puis Pierre-Henri Delot, à la quinzaine, t'a présenté comme metteur en scène. Moi, j'ai le sentiment, là, je me trompe peut-être, d'après ce que je lis, d'après ce que je vois dans la façon de construire les films, que le film n'était construit, la matière filmée était élaborée en complicité avec les personnages en fonction du film. Tu parles des films de Flaherty. De Flaherty. Alors que, d'ailleurs, c'est simple, tu vois souvent Nanook de face allant à la chasse, tandis que moi je les filme toujours de dos, parce que, sauf peut-être à la Bête lumineuse, parce que là c'est un lieu où on était arrêté quand il y a l'affût. Ils sont de dos parce que je peux pas les empêcher de chasser. Et l'acte de la chasse, la tension, sa vérité, c'est le moment actuel de la chasse et non pas le moment cinématographique que je vais construire avec des... Je ne ferai pas prendre de pause à mes personnages pour dire qu'ils ont hâte, qu'ils ont peur, qu'ils attendent. J'attends qu'ils aient hâte, qu'ils aient peur pour les filmer. Tu vois bien Norman Avaran, la petite fenêtre, la petite chandelle, la petite madame qui est là, qui fait... Bon, qui a un beau visage, qui pense rien du tout. D'ailleurs, comme dans tout le cinéma, le cinéma est plein de non-jeux, de non-comédiens. Il est plein d'états extatiques, de statues, de visages qui regardent nulle part, avec lesquels on signifie ce qu'on a dit antérieurement. Il y a... Moi, quand je vois un film de fiction, je ne vois pas la vie, je vois la mise en scène. Je vois que les plans passent d'un personnage à l'autre, créent des tensions à partir d'un non-vécu, à partir d'une espèce d'état dans lequel on place les comédiens, un état, comment je l'écrirais, une espèce d'état qui pourrait servir à peu près n'importe quoi. Tu pourrais prendre le même plan puis faire dire autre chose ailleurs. Ça, c'est la construction cinématographique. Et je la vois beaucoup, beaucoup dans Flaherty, je la vois énormément. Flaherty fait un film sur Nanook, subventionné par un marchand de fourrure, Evillon. Et il n'y a aucun rapport avec ça. Alors que, au contraire, moi, je vais, c'est probablement par discrétion, mais au contraire, pour mon intérêt, moi, c'est de placer les gens dans le contexte qui les aliènent et d'essayer de faire exprimer ça continuellement. Mais l'essentiel, c'est, même si on soupçonne, bon, revenons aux soupçons aux soupçons du cinéma, parce que le cinéma ne veut pas croire à la vie, puisque justement, il fait le contraire. Alors, quand j'arrive à Cannes avec un film, les gens ne peuvent pas croire, ne veulent pas croire, n'osent pas croire, ont peur de croire que c'est du vécu qu'ils ont devant eux. Alors, ça leur facilite les choses. Imaginez que j'ai fabriqué une histoire, que les sentiments exprimés sont des sentiments exprimés pour le fait de raconter une histoire et qui n'ont aucune existence véritable. Ça fait beaucoup moins mal. Ça, tu peux entendre n'importe quoi à ce moment-là. Tandis que si les choses sont vraies, ça prend tout à fait une autre dimension. D'ailleurs, il y a une partie du public qui réagit devant ce film-là, comme n'étant pas une fiction. Et c'est ce qui rend ce film-là difficile à encaisser, La Bête lumineuse, parce qu'un certain nombre de gens comprennent que ce qui se passe devant eux, c'est véritablement passé dans la vie des gens. Et c'est, il me semble, de plus en plus, quand j'essaie de réfléchir à ce que je fais, pour essayer de me comprendre et de me définir, puisqu'on me le demande souvent, quelque chose d'essentiel qui me distingue totalement de Flaherty. Je ne fais pas un spectacle et très souvent, je poursuis dans la vie, dans les airs, des choses qui, justement, ne sont pas spectaculaires, qui sont des échecs, par exemple, qui ne définissent pas le terrain, le champ d'exploration de façon manichéenne. Donc, il n'y a pas de héros véritable. On ne sait pas lequel des deux est le héros quand il y a des antagonismes, parce que justement, dans la vie, on ne le sait pas. Mais au cinéma, on le sait toujours. On sait toujours que celui qui est habillé en blanc, qui a un cheval blanc, ça va être, c'est lui qui va emporter notre adhésion. Et ce qui est anti-cinématographique et anti-spectaculaire. Et la position dans laquelle je me trouve, d'avoir fait des films qui ne réussissent jamais à émouvoir les populations, est une conséquence de ce point de vue, de cette attitude-là. Alors que Nanook, c'était définitivement Nanook, c'était l'être par excellence, c'était... Il n'y avait pas de doute, on pouvait facilement s'identifier avec lui, on pouvait facilement l'aimer, culpabiliser en sa faveur, faire culpabiliser la civilisation occidentale, etc. Ça, c'était simple. Alors que ce n'est pas du tout comme ça, et je ne choisis pas non plus des extrêmes tellement. Je choisis des gens qui sont dans une vie à peu près ordinaire, qui ont une capacité de s'exprimer, bien sûr, parce que j'utilise le langage comme outil. À tout ça me semble me différencier autant de Flaherty, presque autant en tout cas, que du reste du cinéma. 1923. Hollywood ouvre ses portes à Robert Flaherty. Paramount lui propose d'aller n'importe où. L'essentiel, c'est qu'il tourne un autre Nanook. Il choisit les îles Samoa, en Polynésie. Mais là, le regard innocent du cinéaste s'ajoute à ses rêves de pureté. Séduit par la vie idyllique, il devient alors, sans en prendre conscience, le personnage de sa propre fiction. Après le succès de Nanook, Paramount, qui fut la première compagnie à le refuser, vint à moi et me dit que je pourrais écrire ce que je voulais et réaliser ce que j'avais envie de faire. J'ai donc appelé Frederick O'Brien. Un de mes vieux amis, dont le livre sur les mers du Sud, Ombre blanche, connaissait un beau succès. Dix ans dans le Nord, tu dois en avoir assez, me dit Fred. Pourquoi ne prends-tu pas exactement la direction opposée ? Va faire un tour dans les mers du Sud. Une lueur traversa les yeux de ma femme. « Est-ce que nous pourrions emmener les enfants ?» demanda-t-elle. Ainsi, toute la famille est partie pour Samoa. Bob, son frère David, nos trois petites filles, une nurse irlandaise et moi. Voici, nous allions faire un film pour Hollywood et nous en étions très conscients. Bob n'avait aucun doute sur ce que la Paramount attendait de lui de frissons et de sensations pour le box-office. Pendant tout le voyage d'aller sur le bateau, nous avions parlé de ça. Nous évoquions telle scène possible ou telle autre. Nous imaginions les monstres marins que nous allions trouver et qui se cachent dans les cavernes au fond de la mer, sous les récifs de corail qui bordent les îles. Une information émise par un autre navire en mer nous apprit qu'un de ces monstres avait été aperçu, une pieuvre géante dont les tentacules s'étalaient dans l'eau autour d'un corps de la taille d'une baleine. Nous fûmes assurés que nous étions sur la bonne piste. Qu'il se mit à chercher des pieuvres géantes et des requins tigres. Pendant des semaines et des semaines, il chercha et chercha encore, fouillant les îles de bout en bout. À la fin, il dut admettre qu'il n'y avait rien de tout cela ici. Je me souviens de lui au cours des tristes semaines qui suivirent. Il restait assis sur notre véranda. Tous ses espoirs s'étaient envolés. Il apprenait durement la première leçon de ce que réclame le désir de faire un vrai film sur un sujet que l'on ne connaît pas. Là, rien n'est prévisible, rien ne peut être écrit d'avance. Avec l'autre film, là, moi, là, ça, que j'ai, alors je l'ai vu il y a si longtemps, bon, mais je me souviens très bien du tatouage, hein, qui est le clou du film, et je m'intéresse aussi de ce qu'il dit sur, n'est-ce pas, parce que c'est plein de contradictions, ces histoires, n'est-ce pas, bien sûr, parce que comme ils fantasment complètement, les gens qui vont en Polynésie depuis longtemps, n'est-ce pas, savent très bien que la Polynésie n'est pas un paradis, n'est-ce pas, lui, il y a été, il en revient, et pour lui, c'est un paradis. Bon, ben, d'ailleurs, c'était marrant, je ne sais pas si tu rappelles ça, mais il va en Polynésie, et à la fin du tournage, il y a des grands problèmes, parce qu'il y a un meurtre, n'est-ce pas? Et même un double meurtre, je crois bien, d'histoire de jalousie, un truc comme ça, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est pas dans le film, bien entendu, et ce pays, son problème, n'est-ce pas? Il y a des meurtres. Alors, intéressant. Je veux dire, il est inscrit déjà dans son texte, n'est-ce pas, l'incroyable cécité du mec, n'est-ce pas? Et alors, ce qui me fascine, c'est ce texte-là, je vais le lire, qui est une vieille coutume polynésienne, qui est presque morte à Samoa, c'est le tatouage. Dans ce pays idyllique où la nature est bonne, où la nourriture mûrit sans cesse au sol et aux arbres, où la vie est facile, où il n'y a ni conflit, ni souffrance, ni douleur. Mais là où il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de force. Ceci, le peuple, dans sa sagesse, le sait. Et alors, il invente la souffrance, une épreuve pénible. Le tatouage, c'est le courage, l'orgueil, la dignité de la race. Le tatouage est devenu tout naturellement le clou du film. Et ça, c'est assez fascinant parce qu'il cherche effectivement tout le temps à donner à trouver des éléments de combat spectaculaire, parce que c'est toujours le sens des films de Flaherty, hein. C'est-à-dire qu'il cherche en fait quand même à bâtir son film n'est-ce pas, malgré le fait qu'il, si vous voulez, qu'il prétend exclure le récit dramatique classique hollywoodien, n'est-ce pas, en fait, il en plan en plein. Moana est présentée à New York. La Paramount boude le film. C'est l'échec. Robert Flaherty collabore à Tahiti à la mise en scène de Ombre Blanche pour la Metro Goldwyn Mayer. Il rompt avant la fin du tournage. 1929. Il co-réalise avec Murnau Tabou, qu'il tourne dans les mers du Sud. Flaherty oppose sa démarche naturelle à celle de Murnau, imprégnée des tournages en studio. Il rompt avec Murnau avant la fin de la production. 1983, Central Park, New York, Louis Marcorel. Flaherty a cru longtemps, enfin a cru un certain temps peut-être, que Hollywood pourrait accepter son cinéma. Déjà quand après Nanook, Paramount lui a signé un contrat, et même après, au début du parlant, quand il a commencé à travailler avec Murnau, il pensait que peut-être Hollywood accepterait certaines histoires. Donc il s'est fâché avec Murnau, c'est quelque chose qui mérite d'être discuté avec Monica Flaherty. Et puis après, il comprenait mal, je crois, que Hollywood ne veulent pas de ces très belles histoires ou peut-être des gens de la vie quotidienne. Là, peut-être, je force le sens, accéderait presque au statut de star, serait magnifié, parce que quand même, ça a été une légende fabuleuse, je pense, Hollywood des années 30. Il deviendrait de ces caractères, ces êtres fantastiques, fabuleux. C'est assez insensé, ça peut paraître un contresens, mais quand on est à ce point entêté, j'aimerais le point à vouloir faire un contresens, il y a peut-être du sens derrière, tu vois. Hollywood a été une grande légende, avec des vedettes, aux muets, mais aussi aux parlants, et des gens qui irradiaient une personnalité, une beauté, une capacité de mythologie fabuleuse, par certains côtés, au service d'histoires enfantines, par certains côtés aussi grandes que tel et tel personnage de récits, de poèmes, etc. Et pour Flaherty, quand même, qui connaissait le cinéma, était en rapport avec tout ce qu'est le cinéma, il avait le rêve de pouvoir raconter ces belles histoires à lui d'une manière acceptable par les studios hollywoodiens et peut-être de faire de ces personnages à lui des êtres dignes d'être comparés à ces grandes vedettes. Robert Flaherty, prospecteur et cinéaste, ou Le rêve d'un prince, journal d'une poursuite. Un film radiophonique de Jean-Daniel Lafont. Première partie. Farabet, question à Jean-Daniel Lafont. Est-ce qu'on peut dire qu'au fond, cette poursuite, c'est une espèce de recherche de traces, mais que justement, enfin, c'est tout le contraire d'un scénario que tu as voulu faire, dans un sens. Enfin, d'un scénario construit, où les choses se font comme ça au fur et à mesure. Et non pas dans, tu ne te situes pas dans la tradition, par exemple, d'un documentaire, ces documentaires comme ça, bien ficelés, assez didactiques, où déjà l'histoire est très bien enveloppée dès le début, l'argument comme ça, bien solidement ancré, évident, asséné, enfin, assez démonstratif. Et ce que tu as donc voulu faire, c'est te glisser comme ça dans une réalité. Quelle réalité, en fait ? Moi, je dirais que le début des deux parties, puisque la diffusion en deux parties me permet peut-être de préciser cela, que ce soit le début de la première partie, donc, qui est une espèce de rencontre très hésitante, difficile. D'abord, cette espèce de monologue, le mien, qui essaye de se situer, qui essaye de trouver le point de départ, tout simplement, de la poursuite. Et le point de départ, il est éminemment, je dirais, en moi. Ça a l'air un peu prétentieux de dire ça, mais je veux dire, ça fait 10-12 ans que j'ai choisi un jour de partir, donc de quitter la France, et aussi de non pas de la fuir, mais de poursuivre. De poursuivre une espèce de relation avec la réalité. Moi, j'avais beaucoup de difficultés à être en contact avec la réalité, tout simplement. Ce qu'on appelle le réel. Je ne sais toujours pas vraiment ce qu'on appelle le réel. Mais il s'avère que le contact et le travail avec le cinéma, et dans le cinéma québécois, qui lui est inscrit, d'une certaine façon, dans la tradition flaartienne, qu'il le veuille ou non, m'a confronté à ça, c'est-à-dire à la nécessité de construire la réalité, de tenter de la construire au fur et à mesure qu'on la dépaisse. Parce que nous sommes confrontés à cela, survivre au Québec à tous les niveaux, physique et idéologique, c'est construire et reconstruire, tant bien que mal, une réalité qui s'effrite très très vite. Et je dirais que non seulement la nôtre de francophones en Amérique du Nord, mais aussi celle de ces peuples qu'on dit sauvages, pour reprendre l'expression de Jacques Cartier à l'origine, que sont les Inuits ou que sont les Indiens montagnais, deux groupes que l'on a présents dans cette poursuite, et qui finalement sont le témoignage vivant que ces choses, cette réalité-là est à la fois une présence et une absence, que quelque chose est constamment en train de s'effilocher. Alors, journal d'une poursuite, c'est ça d'abord pour moi. C'est comment essayer de faire le point sur cette réalité que le cinéma, au cours de ces 25 dernières années, au Québec en particulier, a tenté de construire, de constituer, et tente encore de reconstituer. Alors, Flaherty, c'était un terrain fabuleux, d'abord. Alors, ça commence comme cela. Flaherty, pour moi, c'était un territoire. Un grand territoire, imaginaire, bien sûr, évidemment. Mais on en avait plein de traces, nous, on ne se rendait pas compte à quel point il était proche, cette démarche, sans doute. Pourquoi est-ce que ça commence, la première partie, commence au Labrador ? Parce que je connais le Labrador. Puis je me suis aperçu que j'y avais travaillé, au Labrador. Mais que, en fouillant bien, ce Labrador a quelques 500 kilomètres près. Mais 500 kilomètres, hein, chez nous, c'est plus rien, c'est la proximité. Eh bien, ça a été le début de Flaherty, aussi. Que lui n'était pas cinéaste. Après tout, d'ailleurs, on ne naît pas cinéaste, moi non plus. On commence autre. Hein. Il était prospecteur. Comme son père, il était là, envoyé par les multinationales. Au Labrador, pour chercher les gisements de fer, donc pour exploiter les Inuits, donc pour exploiter les Indiens montagnais aussi, à sa façon. Alors c'était étonnant. Je m'aperçois que nous étions en train de travailler là-dessus, les uns les autres, depuis plus de 10 ans, et que derrière tout cela, derrière les grands trous qui ont été constitués à Schefferville, qui aujourd'hui est une ville minière qui est abandonnée depuis 2 ans, il y avait, à l'envers, comme en négatif, le travail de Flaherty. Alors bon, c'est à partir de ces fines traces, plus le froid, plus le vent, plus la réalité des sons, plus la réalité d'une poursuite qui est une poursuite dans le son, comme on dit, une poursuite sonore, comme disent les chanteurs de rock and roll. Hein. On était dans la poursuite sonore et dans la poursuite tout court. C'est-à-dire, cherchant Flaherty, je trouvais le Québec, je trouvais aussi ce rapport entre la France et le Québec, entre l'Europe et le Québec, et je redécouvrais peut-être les racines qui font qu'à un moment donné, je ne sais pas, se fait un cinéma, ce cinéma direct, qui n'est pas documentaire en réalité, qui est quasiment déjà oublié, qui est un cinéma de la poursuite, après tout, qui se distinguait du cinéma documentaire, d'une certaine école documentaire qui a tendance à ressurgir aujourd'hui, qui est un cinéma de la finition, c'est-à-dire on dit, bon, la question est close, la question préexiste à la réponse, de toute évidence, mais la réponse préexiste à la question, et alors on apporte une information qui est terminée. Là, non. Notre réalité documentaire nous échappait, et pour cause. Et pour cause, il n'y a aucun recensement complet de la réalité dans laquelle nous sommes. Il y a des cultures, il y a des pays. J'ai pris ma leçon d'humilité, ma leçon de modestie, à partir du moment où, depuis une quinzaine d'années, j'ai fréquenté des réalités qui n'étaient jamais répertoriées et qui ne pouvaient pas l'être. Donc, tout sauf un album d'images. Absolument, oui. Peut-être un album de famille. Le journal d'une poursuite est très familial. Tous les gens qui sont là sont effectivement des gens avec lesquels je travaille ou j'ai travaillé. Je parle surtout des cinéastes, évidemment, québécois qui sont là. Et qui sont tous des gens qui ont un contact privilégié avec l'aventure, Flaherty. Alors, il n'y a pas de scénario. Les scénarios se construisent dans la poursuite, lui aussi. Mais il y a cette aventure-là. C'est celle-là qui était le scénario de ce journal d'une poursuite. Il préexiste, là, indéniablement. Et que ce journal soit exclusivement sonore, qu'il n'y ait pas d'image, ou que les images soient simplement des images virtuelles, justement. Pour moi, c'était merveilleux, j'avoue. Parce que le pays que je cherche à dire, qui est un pays réel et imaginaire, car après tout, et je le redis, le paysage et le territoire de Flaherty, comme de nombreux occidentaux européens, pour moi, était au départ sans doute plein de fausses images de Jack London et compagnie. Bon, moi, depuis longtemps, tout ça est tombé, évidemment, et pour cause. Mais Flaherty travaillait beaucoup là-dedans. Il continuait à faire frictionner et fictionner les mythes. Je veux dire que l'image peut être extrêmement trompeuse dans le paysage qui est le nôtre. Elle ne donne pas le cadre et ses contradictions. Elle peut masquer. Le paysage sonore, qu'on a essayé de composer tous ensemble, et c'était difficile, ce paysage sonore-là, il est porteur de contradictions. Le sonore, c'est la pensée pour moi. Ça a l'air un peu simple comme idée, mais j'en ai la conviction de plus en plus ferme. Et puis en même temps, c'est l'épopée, le sonore. Oui, et ça rejoint peut-être plus alors cette idée de poursuite qui est la tienne. Alors. Oui, parce qu'il y a à la fois la nécessité du flux que l'on ne peut pas interrompre dans le sonore. C'est-à-dire que tu peux interrompre, effectivement, le sonore d'un film, dans l'audiovisuel, tu peux le priver d'audio un moment, il reste quand même quelque chose. Ici, il y a des tentatives de silence, mais les silences qui existent nous gênent. Je ne pouvais pas, par exemple, quand on était au Labrador, la réalité du Labrador, c'est le silence. Le vent que nous avons ici au Labrador, dans l'émission, est vraiment ce vent-là, de ce jour-là. Mais il y a aussi le silence. Et le silence, à un moment donné, on a essayé de le capter. C'est pas possible. On n'entend que la machine. On n'entend plus que la machine. On n'entend pas nos propres palpitations cardiaques. On n'entend pas le propre flux sanguin. On n'entend que la machine. Nous n'entendons que la machine. Et je trouve ça fabuleux. Alors, donc, il est nécessaire de créer un flux permanent. La fuite, elle est inscrite dans la réalité sonore de la radio. Moi, je trouve ça étonnant. La poursuite, j'ai dit, ou la fuite? Les deux, je crois. Ah, disons que c'est la poursuite et la fuite. Et pour ça, c'est un instrument que je trouve fabuleux, quoi. Très lyrique, en plus, et très porteur d'épopée. Plus, je dis, pour moi, tout au moins, que le cinéma. D'ailleurs, de toute façon, le meilleur du cinéma direct est un cinéma qui a su être du côté de la bande-son, aussi, et surtout. Ça ne veut pas dire que c'est un cinéma privé d'image, par contre. Mais je veux dire que c'est un cinéma qui est du côté de la bande-son, c'est-à-dire du côté de la parole aussi. Mais est-ce que ce que fait le son, cette façon qu'il a, justement, étant à la fois, disons, une portion du réel, mais pas, bien sûr, pas tout le réel, quelque chose comme ça qui forcément s'échappe quelque part. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, oui. Tu parlais justement de fuite. Et au fond, est-ce que Flaherty, lui, n'avait pas plutôt le souci justement de cerner le réel, enfin la vie comme ça, telle qu'elle est? Non, est-ce que ce n'était pas son désir, sans y parvenir, bien sûr? C'est, d'un bout à l'autre, c'est son désir. Oui. D'un bout à l'autre, c'est son désir, mais comme il a un cinéma quand même qui est plein d'images et avec beaucoup de compositions d'images. Il y a des images fabuleuses, remarquables, qui sont très marquées par une esthétique hollywoodienne de la composition de l'image. Je pense que son image aurait été remise en question, et peut-être aussi sa démarche, s'il avait eu le pouvoir du son. Autant l'image au cinéma peut se composer au tournage, autant la prise de son, pour moi, est une prise directe. En prise directe sur le réel. Il y a des choses que l'on ne peut pas cadrer à la prise de son. Les situations que l'on essaye de constituer nous dépassent toujours dans le cadrage sonore. Donc, elles sont plus pleines, si je peux me permettre cette image, plus pleines de réalité que nous ne pouvons en rendre. Ça dégorge. Et ça, je trouve ça formidable. Le travail sonore est un travail engorgé, toujours. Il y en a de trop. Alors, il va falloir, effectivement, s'y retrouver. Mais s'y retrouver, justement, c'est ce travail qu'on essaie de faire, ce travail que l'on peut faire qu'au mixage, qu'au montage, mais qui est un travail qui part d'une richesse. Qu'est-ce que Flaherty aurait fait, par exemple, dans Nanook, du sifflement des chiens, par exemple, du vent? Il est évident que si on regarde Nanook dans l'état actuel du film, qui est absolument, à bien des égards, merveilleux, même, je veux dire, merveilleux d'un bout à l'autre, le son du vent et le son des chiens, on l'a presque, grâce au montage de ces célèbres plans-séquences où les traîneaux arrivent dans la brume, petite brume. Enfin, c'est pas de la brume. Je dis de la brume pour me faire comprendre, mais c'est une poudrerie. Hein? Donc de la neige qui est soufflée par le vent. Et même moi, je les entends, les chiens, mais je suis pas sûr que tout le monde les entende. Mais je pense que si on écoute cette séquence muette, si on l'écoute, on peut peut-être entendre un tout petit peu les chiens. Alors je pense qu'il les aurait mis là. Et c'est ce que je lui reproche un petit peu dans ce cas-là. Il aurait été sans doute beaucoup trop synchrone, malgré ses déclarations. Même s'il dit, une fois qu'on a identifié un son, bon, etc., on peut en faire ce que l'on veut, il déborde l'image. C'est vrai, mais rien ne le prouve dans le travail sonore qu'il a fait, en particulier dans L'Homme d'Aran ou dans Louisiana Story. Rien ne le prouve. Bon, moi je dis, c'est les contraintes techniques. Sans doute, c'est-à-dire qu'il était loin d'avoir la souplesse de liaison qu'il y a entre les caméras aujourd'hui et les magnétophones. Mais il est sûr que Flaherty aurait renforcé ces images. Et sans doute qu'il aurait retrouvé ce qui est quand même présent dans Nanook, chez l'espace. Mais le son donne une dimension de l'espace qui est tout à fait différente. Je veux dire, étonnamment, aujourd'hui, pour donner l'espace du Labrador, c'est le train qui m'importe. Le train, l'unique liaison. L'unique, qui disparaît d'ailleurs, parce que comme les mines de fer sont en train de fermer, le train qui était d'abord un train des mines de fer, c'est pas intéressant de transporter des Inuits ou des Indiens, ils sont en bout des wagons de minerais de fer. Ce train-là, le son de ce train, qui est absolument quelque chose qu'on ne connaît pas ailleurs, même pas le train d'Amérique du Nord, l'autre, celui-ci est un train qui ne cesse pas, qui ne peut pas cesser. Lorsqu'il s'arrête, on a l'impression qu'il ne va pas s'arrêter, il prend son temps, il prend, et pour cause, ça fait déjà 1200 km qu'il ne cesse de rouler, quasiment. Alors, le train, il l'aurait pas eu, Flaherty. Lui, il avait sans doute pas la possibilité de donner la grande distance. Il y était déjà, il était dedans. Mais le son lui aurait donné l'espace dans lequel il se trouvait, que l'on a évidemment par l'image, mais je trouve pas assez. L'espace des chiens est étonnant. Bon, aujourd'hui, c'est une chose qui disparaît de plus en plus. Mais il y a un petit retour au chien. L'espace du chien, des chiens, l'espace croisé des aboiements, est sans doute la chose la plus humaine qu'il y ait, c'est étonnant à dire, au Labrador. Je pense qu'il aurait eu tout ça. Il aurait tout ça. Mais dans le souci d'authentifier le réel. Oui, dans un sens. Oui, de toute évidence. De renforcer l'effet de réalité, qui était déjà très grand dans l'image flaertienne, quand même. Donc de dire « ceci est la vérité ». Moi, j'avoue que plus on rencontre les sons, plus les sons s'accumulent, plus, pour moi, c'est un double mouvement. À la fois, c'est un trop-plein de réalité, et dès qu'on se met à le travailler, la réalité s'estompe un peu, mais c'est ça la réalité, je trouve. C'est toujours quelque chose d'un tout petit peu chancelant, de fragile. Et l'espace sonore est un espace qui donne la fragilité, donne l'image de la fragilité du réel. Alors que l'image, c'est quelque chose qui est toujours... une image floue, c'est encore une sécurité. C'est la machine qui est floue. C'est un effet de caméra, pense-t-on. Les images sont rarement fragiles. Les sons sont fragiles. Au cinéma. Et quand les images sont fragiles, c'est dans la bande sonore qu'elles le sont, souvent. Enfin, pour moi, c'est ce que m'apporte le travail sonore. ACR, Atelier de création radiophonique. Robert Flaherty, prospecteur et cinéaste. Ou le rêve d'un prince. Journal d'une poursuite. Un film radiophonique de Jean-Daniel Lafont. Première partie. Avec les cinéastes Maurice Bulbulian, Pierre Perrault. L'anthropologue Hassène Balixi. Les critiques Noël Birch, Louis-Marc Aurel, Gilles Marsollet. Les voix de Jean Renoir, Archie Vina et de Robert Flaherty. Les lecteurs Noël Birch, Geneviève Jacquineau. Extrait de film Debout sur leur terre, Office national du film du Canada, de Maurice Bulbulian. Musique John Hassel. Chant Philippe Mackenzie. Groupe de réalisation Claude Beaugrand, Philippe Bredin, Monique Burguière, Claude Giovanetti, Jean-Daniel Lafont. Robert Flaherty, prospecteur et cinéaste. Première partie. Cette émission a été diffusée la première fois le 3 mars 1985 sur France Culture. À suivre, téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.